Anatole France. Les sept femmes de la barbe bleue, d'après des documents authentiques. Chapitre 1. On a émis sur le personnage fameux, vulgairement nommé la barbe bleue, les opinions les plus diverses, les plus étranges et les plus fausses. Il n'en est peut-être pas de moins soutenable que celle qui fait de ce gentilhomme une personnification du soleil. C'est à quoi l'on s'est appliqué, il y a une quarantaine d'années, dans une certaine école de mythologie comparée. On y enseignait que les sept femmes de la barbe bleue étaient des aurores, et ses deux beaux-frères, les deux crépuscules du matin et du soir, identiques aux Dioscures qui délivrèrent Hélène ravie par Thésée. À ceux qui seraient tentés de le croire, il faut rappeler qu'un savant bibliothécaire d'Agen, Jean-Baptiste Pérès, démontra en 1817, d'une façon très spécieuse, que Napoléon n'avait jamais existé et que l'histoire de ce prétendu grand capitaine n'était qu'un mythe solaire. En dépit des jeux d'esprit les plus ingénieux, on ne saurait douter que la barbe bleue et Napoléon n'aient réellement existé. Une hypothèse qui n'est pas mieux fondée consiste à identifier cette barbe bleue avec le maréchal de Ré, qui fut étranglé par justice au-dessus des ponts de Nantes, le 26 octobre 1440. Sans rechercher avec M. Salomon Rénac si le maréchal commit tous les crimes pour lesquels il fut condamné ou si ses richesses, convoitées par un prince avide, ne contribuèrent point à sa perte, rien dans sa vie ne ressemble à ce qu'on trouve dans celle de la barbe bleue. C'en est assez pour ne pas les confondre et pour ne pas faire de l'un et de l'autre un seul personnage. Charles Perrault, qui vers 1660 eut le mérite de composer la première biographie de ce seigneur justement remarquable pour avoir épousé sept femmes, en fit un scélérat accompli et le plus parfait modèle de cruauté qu'il y eut au monde. Mais il est permis de douter, sinon de sa bonne foi, du moins de la sûreté de ses informations. Il a pu être prévenu contre son personnage. Ce ne serait pas le premier exemple d'un historien ou d'un poète qui se plaît à assombrir ses peintures. Si nous avons de Titus un portrait qui semble flatté, il paraît au contraire que Tacite a beaucoup noirci Tibère. Macbeth, que la légende et Shakespeare chargent de crime, était en réalité un roi juste et sage. Il n'assassina point par trahison le vieux roi Duncan. Duncan, jeune encore, fut défait dans une grande bataille et trouvé mort le lendemain en un lieu nommé la boutique de l'armurier. Ce roi avait fait périr plusieurs parents de Grushnow, femme de Macbeth. Celui-ci rendit l'Écosse prospère. Il favorisa le commerce et fut regardé comme le défenseur des bourgeois, le vrai roi des villes. La noblesse des clans ne lui donna ni d'avoir vaincu Duncan, ni de protéger les artisans. Elle le détruisit et déshonora sa mémoire. Après sa mort, le bon roi Macbeth ne fut plus connu que par les récits de ses ennemis. Le génie de Shakespeare imposa leurs mensonges à la conscience humaine. Depuis longtemps, je soupçonnais que la barbe bleue était victime d'une fatalité semblable. Toutes les circonstances de sa vie, telles que je les trouvais rapportées, était loin de contenter mon esprit et de satisfaire ce besoin de logique et de clarté qui me dévore incessamment. J'ai découvert à la réflexion des difficultés insurmontables. On voulait trop me faire croire à la cruauté de cet homme pour ne pas m'en faire douter. Ces pressentiments ne me trompaient point. Mes intuitions, qui procédaient d'une certaine connaissance de la nature humaine, devait bientôt se changer en une certitude fondée sur des preuves irréfutables. Je découvris chez un tailleur de pierre de Saint-Jean-des-Bois divers papiers concernant la barbe bleue. Entre autres, son livre de raison et une plainte anonyme contre ses meurtriers, à laquelle, pour des motifs que j'ignore, il ne fut jamais donné suite. Ces documents me confirmèrent dans l'idée qu'il fut bon et malheureux, et que sa mémoire succomba sous d'indignes calomnies. Dès lors, je considérai comme un devoir d'écrire sa véritable histoire sans me faire d'illusions sur le succès d'une telle entreprise. Cette tentative de réhabilitation est destinée, je le sais, à tomber dans le silence et l'oubli. Que peut la vérité froide et nue contre les prestiges étincelants du mensonge ?